Cécile, regarde le glamour. On dit que l'amour est l'idomicile sous Cécile. Cette gourgandine aux lèvres gourmandes n'a pas d'amandine, les yeux en amande. Sur les bateaux mouches, tous les amandines, je pêche à la mouche. Et j'aime Amandine. Marilène, douce madrilène, on dit que son cœur a plus de chaleur que la meilleure laine. C'est presque l'hymen avec ses limènes, mais j'aime Amandine, ses yeux en amande. Sur les bateaux mous, Amandine, je pêche à la mouche. Et j'aime Amandine. Il y a Blandine, c'est presque Amandine, ses jolies paupières ne laissent pas de pierre. Oui, mais Amandine me met à l'amande si jamais je bande. Moi j'aime Amandine, ses yeux en amande. Sur les bateaux mouches, tous les Amandine, moi j'attends la bouche de mon Amandine. Sur le pont des Arts, j'ai passé des heures. Le pont des airs, j'attends mon dessert.